Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. C'est toujours l'un des grands mystères du XXe siècle, l'attentat contre Jean-Paul II le 13 mai 1981. Certes, on a arrêté le coupable, le Turc Ali Agca, mais on sait aujourd'hui avec une quasi-certitude qu'il avait un complice qui a réussi à s'échapper, Oral Çelik. Un loup gris lui aussi, c'est-à-dire un membre de cette organisation terroriste, nationaliste et mafieuse, qui sévit depuis si longtemps en Turquie, et a déjà commis des dizaines d'assassinats. Un groupe d'extrême droite qui a souvent été le bras armé du Gladio turc, cette pieuvre pro-occidentale mise en place après la Seconde Guerre mondiale et qui a poussé ses tentacules dans la plupart des pays de l'OTAN. On connaît donc les coupables, c'est-à-dire les hommes de main. Mais on ignore toujours l'identité du ou des commanditaires. Qui avait intérêt à faire disparaître le pape polonais élu en 1978 après le très bref pontificat de son prédécesseur Jean-Paul Ier. Il était bien sûr séduisant de penser que l'ordre venait de Moscou. L'URSS avait en effet tout à craindre de cet énergique pape venu de l'Est et qui risquait d'enfoncer un coin anticommuniste dans l'Empire soviétique et particulièrement dans sa patrie, la Pologne. Et ce soupçon a donné naissance à l'hypothèse de la filière bulgare. Une hypothèse qui a fait long feu lorsque la justice italienne a mis hors de cause les diplomates bulgares qui auraient été impliqués. Mais régulièrement, cette version refait surface et ce n'est certainement pas innocent. Alors qui ? Monsieur X m'a déjà longuement parlé de cette affaire lors d'un entretien consacré au loup gris. Mais je lui ai demandé de rouvrir ce dossier à l'occasion de la parution d'un livre très documenté de la journaliste et universitaire Rumiana Ugarczyńska, La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II. Cette jeune femme, d'origine bulgare, exerçant en France, a mené une enquête autant passionnante que troublante et ouvre de nouvelles pistes. Monsieur X les a explorées. Va, va, va. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy don jour. Tadadam, tadadam, tadadadadadadadadam, tadadadadadadadam, la comedy don jour, la comedy de ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va, va va. Ma cosa? La luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. comédie d'un jour. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ce qui est extravagant dans cette affaire, c'est que la plupart des grands services secrets y ont été mêlés à un moment ou à un autre. Ouais, bah, ça ne peut que compliquer les choses. Alors, quelques exemples peut-être, voilà. Volontiers. Au tout début, à la fin des années 70, on trouve notre service de renseignement qui s'appelait encore le SDEC, son patron, Alexandre de Maranche, alias Portos, recueille un tuyau d'importance selon une source soviétique. Le KGB préparerait un attentat contre le pape. Et immédiatement, il envoie des émissaires au Vatican. Oui, pour prévenir le pape. Bien évidemment. Mais la CIA, qui traditionnellement, et encore plus après l'avènement de Reagan, a toujours entretenu de bons rapports avec le Vatican, il sera aussi amené à suivre l'affaire de très près. Et son patron, William Casey, viendra s'en entretenir avec Jean-Paul II après l'attentat. C'est d'ailleurs pas la seule visite qu'il rendra au pape. Lui et l'ambassadeur itinérant de Reagan, Vernon Walters. Ouais. La CIA verra plutôt d'un bon oeil à la thèse de la piste bulgare. Bah, c'est évident. Il semble à peu près sûr que certains personnages qui ont pu accéder à la cellule d'Ali Aksa n'étaient pas très éloignés des milieux du renseignement états-unien. Ouais, des personnages qui auraient pu lui suggérer d'accuser les services bulgares. Mais attendez, avant l'attentat... Vous voulez dire, la CIA aurait-elle pu jouer un rôle? Bah... Eh bien, nous verrons cela un petit peu plus tard, mais enfin, un petit peu de patience. Autre service, le KGB, bien sûr. Le KGB et tous ses satellites des pays frères, comme on disait à l'époque. Le KGB, qui, s'il n'est pas le commanditaire de l'attentat, fera tout ce qui est en son pouvoir pour dédouaner les services bulgares quand ils seront mis sur la sellette. Mais comment alors? Bah, parce qu'on appelait alors des mesures actives. C'est-à-dire des mesures de désinformation. Tout à fait. Mm-hmm. Des faux documents en particulier. Et le KGB, à son tour, accusera la CIA. Oh bah ça, c'est la réponse du berger à la bergère. En effet. Enfin, n'en est pas fini. Tenez même, le Mossad a été impliqué. Le Mossad qui a confié à un Monsignore, de premier rang bien sûr, que d'après ses informations, le coup venait de Téhéran. Ben, Roméni, là. Lui-même, au nom du djihad. Mm. Et vous y croyez? Pas trop, non. Mais vous devez savoir que ce genre d'accusation ne doit rien au hasard. Pour le Mossad, par exemple, il s'agit clairement de diaboliser le régime des ayatollahs. Alors, je reviens à ce que je voulais vous dire. L'intervention de tous ces services secrets n'a pas simplifié les choses et a bien au contraire pollué l'enquête des juges italiens. Des juges qu'on a essayé de manipuler ou d'influencer. Et ça continue. On a assez récemment parlé de rebondissements à propos des conclusions de la commission Mitrokhine, comme on l'a appelée de l'autre côté des Alpes. Une commission d'enquête parlementaire présidée par un proche de Berlusconi, le sénateur Guzzanti. Mitrokhine, c'est le nom de cet ancien archiviste du KGB qui est passé à l'Ouest avec armes et bagages. Surtout avec ses documents. Ouais. Hein. J'ai lu le livre qu'il a écrit avec l'universitaire britannique Christopher Andrew, mais... Il n'y a pas fait mention de l'attentat contre le pape. Ce n'est pas tout à fait exact. Les deux auteurs évoquent l'événement en trois lignes. Ah, oui, trois lignes. Mais simplement pour constater que le KGB n'aurait certainement pas été mécontent si l'attentat avait réussi. Cependant, tout de suite après, ils affirment qu'aucun élément ne permet d'incriminer le KGB. Alors, pourquoi cette commission Mitrokhine, alors, en Italie? Cette commission était chargée d'enquêter sur la pénétration soviétique en Italie. Mais Guzzanti, d'ailleurs désavoué par une partie de ses collègues, en a profité pour mener une opération anticommuniste. Au passage, il a en effet accusé Prodi, l'adversaire de Berlusconi et actuel chef du gouvernement, d'avoir flirté avec le KGB. Et puis surtout, en recyclant de vieilles informations déjà rejetées par la justice et des renseignements fournis par un juge français très médiatique, il a relancé la piste bulgare. Comme dit l'autre, ça a fait pchit. Bon, revenons à l'essentiel. Oui, c'est quand même les mobiles et l'éventuelle identité des commanditaires. C'est ça. Ah non, dans cette affaire de la commission Mitrokhine, j'ai oublié un détail qui en dit long. Le sénateur Guzanti a fait appel au service d'un expert, un certain Marios Camarel. Je suis sûr que ce nom vous dit quelque chose. Bah non, désolé. Eh bien, cet expert mis en examen pour trafic d'armes est aussi l'homme qui a déjeuné à Londres avec l'ancien espion du KGB, Litvinenko, juste avant que celui-ci ne subisse les premières atteintes de son mortel empoisonnement. Ouais, enfin, ouais. Passons. Si cette affaire semble aussi embrouillée, c'est aussi que l'auteur de l'attentat, Ali Aksa, n'a cessé de faire des déclarations contradictoires et extravagantes. Ouais, comme lorsqu'il a déclaré à son retour en Turquie, et même en Italie d'ailleurs, je crois, qu'il était le Christ. Oui, enfin, attention, Ali Aksa n'est pas fou. Toutes les expertises psychiatriques l'ont prouvé. Donc il a menti sciemment. J'en suis sûr. Mmh. Et au fond, la seule certitude, c'est que ce type a été réellement un loup gris. Alors, même si nous en avons déjà parlé un mot sur cette mystérieuse organisation. Au départ, il y a un homme au nom symbolique, Alparslan Türkes, un personnage qu'on a aussi appelé le Basbug, c'est-à-dire le chef, le Führer. Et je n'envoie pas ce dernier mot au hasard. Pourquoi ? Parce que ce Türkes était un émule de Hitler ? Oui, ce type a toujours plaidé pour l'instauration d'un régime totalitaire en Turquie. Et à l'imitation de Hitler, le pan-germaniste, il se veut, lui, l'apôtre du pan-turquisme. C'est-à-dire ? L'unité de tous les turcophones qui sont nombreux dans les républiques d'Asie centrale de l'URSS. Après de nombreuses mésaventures en 1960, Türkes est partie prenante d'une tentative de putsch contre le régime. Une tentative réussie. Oui. Oui. Derrière se trouvent des nationalistes comme Türkes, mais surtout de jeunes officiers qui ne veulent surtout pas que soient remises en cause les avancées de la révolution kémaliste. Oui, c'est-à-dire l'héritage social et surtout laïque d'Atatürk. C'est ça. Et ces militaires vont d'ailleurs procéder à un certain nombre de réformes sociales très importantes. Mais pour Türkes et ses amis, qu'on appelait aussi les pantouranistes... C'est-à-dire les panturquistes. Oui, pour ces gens, il faut aboutir à l'édification d'un régime dictatorial et nationaliste. Alors, en désaccord avec les officiers au pouvoir, Türkes doit s'exiler en toute hâte et il est renvoyé de l'armée. À l'étranger, il en profite pour prendre contact avec des néo-nazis allemands avec lesquels il monte une filière d'armes. Mais dans quel but alors ? Il pense déjà à créer une milice, sa milice, qui deviendra plus tard le creuset de l'organisation des fameux loups gris. À l'époque, il a sans doute aussi des rapports avec une structure appelée l'organisation de contre-guérilla. Qu'est-ce que c'est ça ? Un gladio à la turque. Ah ben alors, il faut rappeler quand même. Gladio, c'était une série de noyaux militaires initiés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour faire éventuellement échec à une invasion soviétique. Oui, les réseaux Gladio ont été créés dans la plupart des pays affiliés à l'OTAN. Et comme ils ont largement recruté dans les milieux les plus anticommunistes, un type comme Türkes se trouvait presque naturellement proche de ces gens. Ensuite, ce digne émule d'Adolf Hitler se proclame guide suprême. Guide suprême de son parti, bien sûr, et qui devient le parti du mouvement national, et il crée sa milice, les loups gris. Des jeunes gens promptes à en découdre par la force avec leurs adversaires. Souci, oh, il faut l'ajouter quand même. Hein. Souci, une époque très violente en Turquie. Hein. Et au terrorisme des mouvements kurdes et d'extrême gauche, les loups gris répondent par des attentats et des affrontements dans la rue qui font de nombreuses victimes. Toutefois, malgré cette activité fasciste, Türkes accède à une sorte de respectabilité. En 1975, il est même nommé vice-premier ministre. Et on lui confie alors la police et l'éducation. Un poste clé pour un extrémiste. Hein. Évidemment, surtout pour un homme qui affirme publiquement « Nous devons exterminer les Kurdes, les Arméniens, les Arabes et les Juifs eh ». Ben. Et effectivement, les loups gris perpètrent de véritables massacres au Kurdistan. L'organisation paramilitaire de Türkes agit alors en milice sous-traitante des forces de l'ordre. C'est aussi à cette époque que la dérive mafieuse commence et que les loups gris se lancent dans le trafic de drogue, avec la complicité d'éminents politiciens et des services secrets turcs. Mmh. Et en collaboration avec la mafia locale, j'imagine. Bien entendu, un seul exemple. En 1998, un ancien loup gris, un certain Lahattin Çakıcı, est arrêté à Nice. Ce personnage, présenté parfois comme étant le parrain des parrains, est alors recherché en Turquie où il est accusé d'avoir attenté à la vie d'un journaliste et d'un directeur de banque et d'avoir exécuté quelques-uns de ses lieutenants. Au total, on le soupçonne d'une quarantaine d'assassinats. Il a même éliminé sa propre femme. Ah oui, ça c'est le supplément. Et pourquoi ? Oh bah, elle était trop bavarde, donc Çakıcı est arrêté. On trouve sur lui une grosse somme d'argent liquide, mais surtout 4 passeports, dont un diplomatique qui a été signé par un responsable des services secrets turcs, le MIT. Rendez-vous avec X. D'après Rumiana Ugarczyńska, la chercheuse déjà citée, les loups-gris ont essaimé un peu partout en Europe sous couvert d'un réseau curieusement nommé la Fédération des idéalistes. Une structure qui hébergera et soutiendra Ali Agca et son complice et ami d'enfance, Oral Çelik. Mais l'auteur de « La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II » affirme aussi que les loups-gris étaient infiltrés, sinon contrôlés par la CIA. Et elle ajoute. Le MIT, les services secrets turcs, avaient également soutenu la mise en place de la représentation locale du Gladio turc. L'organisation était communément appelée « Contra Guerilla », puisqu'elle devait mener la guerre à la subversion communiste. Les méthodes utilisées pouvaient inclure les assassinats, attentats à la bombe, attaques à main armée, torture, kidnapping, prise d'otage, sabotage, entraînement militaire, propagande, désinformation, violence et extorsion. L'entraînement, justement, avait lieu un peu partout en Turquie, dans des camps. À l'école de commando de Bolu, située dans la montagne, les instructeurs étaient recrutés dans les rangs des anciens bérets verts du Vietnam. Partie prenante, le Bazbouk Turkes avait pris soin de copieusement agrémenter les rangs de la contre-guérilla par ses contingents de loups-gris. Je crois avoir bien compris ce que sont les loups-gris. Attendez, encore un mot. Ah. Vous devez savoir qu'en février 1979, Ali Agca a assassiné en plein Istanbul le rédacteur en chef d'un journal libéral. On pourrait imaginer le geste d'un tueur isolé. Mais la suite dément cette hypothèse. Ali Agca, arrêté et emprisonné à la suite de cet assassinat, arrive à s'évader. Et de toute évidence, c'est un commando des loups-gris qui lui a permis de s'échapper. De type très organisé. Alors donc, en tuant ce journaliste, Ali Agca rempli une sorte de contrat ? Pour le compte des loups-gris. Et la suite le confirme. Entre son évasion et le 13 mai 1981, Ali Agca va franchir je ne sais combien de frontières. Avec de faux papiers, j'imagine. Bien sûr. Mais qui lui a fourni ces documents ? Et comment expliquer que cet assassin recherché par toutes les polices a pu ainsi voyager en toute tranquillité sans jamais se faire pincer ? En Allemagne, en Autriche, en Bulgarie et même en Tunisie. Et bien entendu, en Italie. Je veux bien. Il a donc bénéficié des services de ce réseau mis en place par les loups-gris, mais... Pourquoi cette organisation aurait-elle eu intérêt à tuer le pape ? C'est bien la question, non ? Exactement. D'où l'idée qu'il pourrait aussi s'agir d'un contrat que les loups-gris se seraient engagés à remplir pour une autre organisation, ou même un État. Ah. Il faut noter qu'Ali Agca, après avoir d'abord soutenu qu'il a agi seul, ne tarde pas à se contredire. Quelques mois seulement après son procès, il met d'abord en cause la mafia turque. Mafia qu'il doit bien connaître en tant que loup-gris. Hein, c'est vrai. Ouais. Et c'est seulement ensuite, après avoir reçu des visiteurs dans sa cellule, qu'il accusera les Bulgares. Et en particulier 2 fonctionnaires de l'ambassade bulgare à Rome, ainsi que le représentant de la Balkanian Air. Donc, des hommes des services secrets, selon Ali Agca ? Mais disons-le d'emblée, tout ça paraît assez convaincant. C'est vrai qu'au moment où, aux États-Unis, le président Ronald Reagan désigne l'URSS comme l'empire du mal et relance la guerre froide, la thèse d'un attentat commandité par le KGB est très séduisante. Et la CIA ne ménage pas ses efforts pour la rendre vraisemblable. L'agence américaine va même alimenter en informations crédibles une journaliste très connue, Claire Sterling. Ouais, celle qui a écrit un best-seller, là, le temps des assassins. Mais Sterling n'y va pas par 4 chemins. Ali Aksa est un tueur qui a été programmé dès son enfance par les soviétiques. C'est bien sûr assez ridicule, car le jeune homme n'a d'abord été qu'un petit voyou né dans une province éloignée. Et d'ailleurs, au cours du procès des Bulgares en 1985, il sera fait justice de ses accusations. Alors, revenons à l'essentiel. Si contrat il y a eu avec les loups gris, qui l'a passé? C'est-à-dire, qui était le commanditaire de l'attentat contre Jean-Paul II? C'est ce que je voulais dire. Ouais. Une évidence d'abord. Les loups gris, très impliqués dans le trafic de drogue, étaient forcément en relation avec d'autres organisations criminelles. La mafia italienne, par exemple. Ouais, je devine, là, vous voulez en venir. Hein. Cette mafia d'origine sicilienne avait infiltré les services secrets italiens et le personnel politique, grâce en particulier à la fameuse loge P2. Et elle avait même des relais au Vatican. On s'en rendra compte plus tard quand éclatera le scandale de la banque Ambrosiano, une banque très proche du Vatican et un scandale qu'on découvre justement en 1981. L'année de l'attentat contre le pape. Et or cette année-là, Jean-Paul II, qui a succédé à Jean-Paul Ier, mort dans des circonstances qui n'ont jamais été vraiment très éclaircies. Un assassinat. Pourquoi pas. Jean-Paul II, donc, commence à réaliser qu'il existe des ripoux au Vatican, ou dans l'entourage de quelques prélats. Ce fameux Monseigneur Marcinkus, par exemple, un prélat qui est à la fois garde du corps du pape et numéro un du principal établissement financier de l'Église, l'Institut pour les œuvres de religion. Et Marcinkus va être à l'origine d'un fantastique krach financier. Bah, il y en aura pour un bon milliard de dollars. Je vous signale aussi que Marcinkus était également membre de la loge P2. Il n'était pas le seul parmi les prélats du Vatican. Dans les papiers de Lizio Gelli, le grand maître de cette structure pseudo-maçonnique, on dénombrera pas moins d'une centaine de cardinaux, évêques et fonctionnaires du Vatican. Tous membres de la P2. Oui, ouais. Et dans cette organisation délictueuse, on trouvait aussi des généraux, la plupart des chefs de services secrets, de nombreux politiciens et hommes d'affaires. Le gratin italien, quoi. Mais avec quel objectif, alors? Gelli et ses complices envisageaient très sérieusement de prendre le pouvoir. Faut pas oublier que c'est la loge P2 qui a été le véritable chef d'orchestre de la stratégie de la tension en Italie. Ouais, les années de plomb. Hein. Et à tout le moins, il fallait surtout empêcher que le Parti communiste n'arrive au pouvoir via une alliance avec la démocratie chrétienne. Ouais, ce qu'on a appelé le compromis historique. Hein. Et qui a sans doute été à l'origine de l'assassinat d'Aldo Moro. Oui. En tout cas, la révélation de cette liste des affidés de la loge P2 va provoquer un énorme scandale et la démission du gouvernement. Et au Vatican, dès qu'il sera informé de toutes ces malversations financières et de la compromission de quelques-uns des plus importants cardinaux avec la loge P2, Jean-Paul II se décidera à nettoyer les écuries d'Augias. C'est alors qu'en mai 81, on lui tire dessus, très peu de temps après la révélation de l'effondrement de la banque Ambrosiano. Et comme vous le savez, je ne crois guère aux coïncidences. Ouais, d'accord, mais alors dans cette hypothèse, les loups gris auraient exécuté un contrat. Pour qui alors? Pour le compte de la mafia italienne? C'est tout à fait possible, étant donné les liens entre les deux organisations criminelles. Mais dans ce cas-là, il est plus vraisemblable de penser que l'ordre est venu des dignitaires de la loge P2. Quand même, s'attaquer au pape... Croyez-moi, ce n'est pas ça qui les aurait fait reculer. D'ailleurs, on ne va pas tarder à assister à une série impressionnante d'assassinats. La première sur la liste, ça a été la secrétaire de Roberto Calvi, le patron de la banque Ambrosiano. Mais comment s'est-on débarrassé de cette femme-là? En la poussant par la fenêtre du quatrième étage de la banque. Officiellement, bien sûr, il s'est agi d'un suicide. Quant à Calvi lui-même, il s'est enfui à Londres. Mais les tueurs n'ont pas tardé à le retrouver. Et à la mi-juin 82, on a découvert son corps pendu sous un pont de Londres. Et encore une fois, ça ressemblait à un suicide. Hein. Bien sûr, ce n'en était pas un. Roberto Calvi, cela a été démontré plusieurs années après, a d'abord été étranglé, puis on l'a pendu. Non sans oublier de s'emparer de la serviette qui ne le quittait jamais et dans laquelle il devait dissimuler quelques précieux documents. Mmh. Elle n'a jamais été retrouvée. Oui, une valise. Mmh. Alors, elle devait contenir des documents compromettants? Très compromettants, à l'évidence. Calvi était au courant de beaucoup de choses. C'était un ami personnel de Marcinkus. En tant que président de l'Ambrosiano, il connaissait toutes les magouilles financières de la mafia et des adhérents de la loge P2. L'Ambrosiano était aussi au centre d'un gigantesque trafic d'armes au profit de l'Argentine au moment de la guerre des Malouines. Y a-t-il eu d'autres assassinats? Oui. Le suivant sur la liste a été le vice-président de l'Ambrosiano. Manque d'imagination ou lassitude, les assassins ont réitéré exactement la technique utilisée avec la secrétaire. Ils ont précipité le banquier d'une fenêtre du quatrième étage du siège social de l'Ambrosiano. Mmh. Au total, Ce sont 24 personnes liées à la loge P2 qui sont ainsi mortes de façon mystérieuse à la suite de la révélation du scandale. Comme par exemple l'avocat Michael Essindona, un des complices de Mgr Marcinkus. Mais rappelez-moi, que lui est-il arrivé à lui là ? En bas, des tueurs se sont débrouillés pour lui faire servir un café empoisonné au scanure dans la cellule de la prison italienne où il venait d'être incarcéré après avoir été longtemps emprisonné aux États-Unis. Du café au cyanure. Et Gilly lui-même, alors, le grand maître, de quel côté se trouvait-il là ? Du côté des assassins ou celui des victimes ? Lui, à cause des dossiers qu'il détenait encore, s'est longtemps cru protégé. Mais il a quand même trouvé plus prudent de s'enfuir en Amérique du Sud. Quand même, oui. Toutefois, en apprenant toutes ces disparitions de complices, il a fini par craquer et il s'est arrangé pour se faire arrêter. Et donc, se mettre à l'abri. Mais attention, pas n'importe où, en Suisse. Où les prisons sont les plus confortables du monde. Non, je plaisante. S'il s'est fait arrêter à Genève, c'est qu'il savait que là-bas, la législation était très restrictive en matière d'extradition. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'il a compris qu'il finirait par être quand même extradé, il a joué la file de l'air. Et aujourd'hui Eh bien, après s'être à nouveau rendu aux autorités suisses, il a si bien négocié son extradition en Italie qu'il a échappé aux accusations les plus graves et coule maintenant des jours tranquilles dans sa magnifique villa d'Arezzo. Mais ce n'est pas très étonnant. Les informations que Gelli détient sont trop explosives pour traîner sur la place publique. On ne voulait pas savoir. Et puis, bien à l'abri derrière le rideau de fumée de la filière bulgare, tous ces factieux ont eu le temps de brouiller les pistes et de dissimuler leurs petits et grands secrets. Y compris sur l'attentat contre Jean Bolde. Bien évidemment. Mais eux-mêmes savaient-ils toute la vérité ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de retrouver Monsieur X, je voudrais vous citer ces quelques lignes extraites d'un article du Matin en date du 11 août 1983. Son auteur, Guillemette de Vieillecourt, évoque le personnage de Licio Gelli. Il avait pour amis des personnalités du plus haut niveau et appartenant aux milieux les plus divers, généraux, banquiers, magistrats, hommes politiques de différents partis de la majorité. C'est que ce membre de la franc-maçonnerie, qui avait failli en 1965 être expulsé de son organisation à cause de ses intrigues, était avant tout un conspirateur, disait de lui l'ancien directeur du journal Corriere della Sera, Francis Di Bella, lui-même ancien adhérent à la loge P2. Son arme principale, le chantage. Dans sa villa Vanda, près d'Arezzo, il accumulait des dossiers qui lui permettaient ensuite d'inviter des amis oblacés à adhérer à sa loge. La journaliste écrit encore que Gelli, qui comptait beaucoup d'amis d'extrême droite en Argentine, dont il était le consul en Italie, était devenu un homme important du groupe de presse Rizzoli, qui dépend de la banque Ambrosiano et qui détient le prestigieux quotidien milanais Corriere della Sera. Enfin, ma consoeur affirme que la loge P2 est soupçonnée d'avoir trempé dans les attentats de Brescia, 9 morts en mai 1974, du train Italicus, 12 morts en août 1974, et celui de la gare de Bologne, 76 morts en août 1980. On risque de vous choquer, je vous dirai d'abord qu'il y a deux Jean-Paul II. Mais ça veut dire quoi, ça? L'attentat de mai 1981 semble l'avoir profondément changé. Et ce n'est plus tout à fait le même homme qui est sorti de la clinique Gemelli après y avoir été longuement soigné. Quoi, un changement psychologique? Si l'on veut. Quoi, l'attentat l'a non seulement blessé, mais ébranlé? Et les trois balles qui l'ont atteint ont singulièrement transformé sa foi. Et au-delà, elles ont radicalisé son action internationale. Ah, ça mérite une sérieuse explication. Alors allons-y. Il faut d'abord remonter aux toutes premières années de son pontificat. On attend bien sûr de ce pape venu de l'Est une attitude très ferme vis-à-vis de Moscou, et même très hostile. Ouais, d'autant qu'il a vécu lui-même sous un régime communiste. Hein. Or, ça n'est pas ce que l'on constate. On s'étonne par exemple que les évêques polonais, tout dévoués à Jean-Paul II, émettent des critiques contre certains des leaders du syndicat Solidarność, qui organise les grandes grèves de 1980. Des dirigeants jugés maximalistes et donc irresponsables. Au Vatican, on préférerait une attitude plus prudente, comme la simple exigence du respect par Moscou des accords d'Helsinki. Des accords, c'est le droit de l'homme. Hein. Et les libertés fondamentales. Autre signe, lorsque le cardinal Villo, secrétaire d'État, il faut le rappeler quand même, c'est le premier ministre du Vatican. C'est ça. Donc quand Villo meurt en 1979, c'est le cardinal Casaroli qui le remplace. Un homme qui a toujours prêché la détente avec l'Est. Et puis il y a aussi cette audience accordée à Andrei Gromyko, ministre des Affaires étrangères de l'URSS. Alors, venons-en maintenant à l'attentat et à ses conséquences. Un des premiers visiteurs du pape alité dans une chambre de la clinique Gemelli est l'un de ses proches. Un évêque d'origine slovaque, Paveo Nilista, ce prélat qui a par ailleurs créé une association religieuse très anticommuniste, est un fervent zélateur du culte de la Vierge de Fatima. Il faut rappeler, là, c'est cette Vierge qui serait apparue à trois enfants portugais, des bergers. Hein. Et la première apparition aurait eu lieu le 13 mai 1917. En pleine guerre, donc. Hein. Enfin, là n'est pas le plus important, c'est la date qu'il faut retenir, le 13 mai. Ah oui, comme le jour de l'attentat contre Jean-Paul II. Et Nilista ne manque pas de mettre en évidence cette coïncidence lorsqu'il rend visite à l'illustre blessé. Mais l'évêque n'en reste pas là. Il propose au pape de lui apporter un dossier sur Fatima. Quoi, les fameux secrets? Oui, mais je vous rappelle brièvement ce dont il s'agit. Au cours de ses apparitions, Marie aurait confié des messages aux enfants. Messages qui ne devaient pas être divulgués tout de suite, mais qui ont été ensuite couchés par écrit à la demande de l'évêque local. Et ils ont été connus très tardivement. Hein, les deux premiers au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'une vision de l'enfer pour le premier et pour le deuxième, d'une demande de la Vierge qui, pour obtenir la conversion de la Russie, voulait que le pape lui consacre ce pays. Seul moyen, selon ce secret, d'obtenir la paix. Mais c'est le troisième qui compte. Un secret qui ne sera dévoilé par le pape qu'en l'an 2000, mais dont le pape prendra connaissance sur son lit de la clinique Gemelli. Et que les précédents souverains pontifes s'étaient gardés de divulguer. C'est exact. Alors de quoi s'agit-il? Je résume. C'est une vision allégorique. Un évêque, vêtu de blanc, le pape sans doute, traverse une ville en ruine jonchée de cadavres. Péniblement, car il souffre, il gravite une colline surmontée d'une grande croix. Et lorsqu'il arrive au sommet et qu'il s'agenouille, des soldats lui tirent dessus et le tuent. Et Jean-Paul II y voit la prémonition de ce qu'il vient de subir. Exactement. Mais lui n'est pas mort. Alors à partir de cet instant, il est certain que c'est la Vierge qui lui a sauvé la vie. C'est la main de la Vierge de Fatima qui a dévié la balle qui devait le tuer. Et les chirurgiens qui l'ont opéré lui disent qu'effectivement, la balle a, semble-t-il, contourné un organe vital. Le pape est donc très troublé. Ah oui, très très troublé. Il avouera un peu plus tard que jusque-là, il n'avait pas accordé un grand intérêt aux apparitions de Fatima. Une histoire qu'il connaissait mal. Oui, il préférait sa Vierge noire polonaise, j'imagine. Bien sûr, mais tout va changer. Jean-Paul II va vouer lui aussi un culte fervent à la Vierge de Fatima. Et un an après l'attentat, il se rend au Portugal pour se recueillir sur le site des apparitions. Et à cette occasion, après avoir remercié Marie qui lui a sauvé la vie, il consacre la Russie au cœur immaculé de la Vierge. Mmh. Il retournera à Fatima, je crois. Il fera même venir sa statue à Rome et fera souvent référence publiquement à l'action miraculeuse de la Vierge de Fatima. Un sentiment très puissant qui ne pourra qu'être conforté 8 ans plus tard par les premiers craquements à l'intérieur du bloc soviétique. Et en 1992, lorsqu'il se rendra à nouveau à Fatima, je reprends ses propres paroles, il remerciera Marie d'avoir conduit les peuples vers la liberté. Oui, la fin du communisme. Quoi. Alors, pour bien comprendre, je me suis référé à ce livre dont vous m'avez demandé de prendre connaissance. Oui, le livre de Roumiana Garchinska. Hein, oui, et je vous préviens tout de suite, peut-être allez-vous trouver extravagante la fin de cette histoire, mais écoutez bien. J'y ai d'abord trouvé une information sidérante. Un criminologue italien, Francesco Bruno, a étudié la scène de crime, comme on dit dans la police, l'angle de tir, la distance et l'arme. Et il en a tiré une conclusion péremptoire, Aliaksa ne pouvait pas rater sa cible. C'est-à-dire qu'il devait tuer le pape. Absolument. Et puis, n'est-ce pas étonnant qu'il ait tiré au ventre et non pas à la tête ou au cœur? En outre, il y avait le deuxième tueur. C'est Oral Tchelik qui a réussi à fuir en profitant de la confusion. Mais il a tiré lui aussi. Une balle. Alors, au vu de ces constatations, certains enquêteurs se sont demandé très sérieusement si le but véritable n'était pas de tuer le pape, mais de le blesser. Mais je veux bien, moi. C'est quand même très aléatoire. Jean-Paul II a été grièvement touché. Et de l'avis des médecins, il est passé tout près de la mort. Je suis d'accord. Mais si vous rassemblez toutes les pièces du scénario, c'est très troublant. Car le résultat est là. Le pape, persuadé qu'il avait été sauvé par la Vierge de Fatima, est devenu l'ennemi passionné et particulièrement efficace de l'Empire du Mal. Alors, qui aurait pu concevoir une opération aussi machiavélique ? Réfléchissez. À qui le crime a profité ? Je vous laisse le soin de conclure. Mais il n'est peut-être pas nécessaire de chercher trop loin. La vérité se trouve sans doute derrière les murs même du Vatican. Pour corroborer les propos de Monsieur X sur la fascination de Jean-Paul II pour la Vierge de Fatima, j'ai trouvé ce texte chez un des biographes du pape, Bernard Lecomte. Un ouvrage paru chez Gallimard. Tous les proches du pape, dans les mois qui suivent l'attentat, sont témoins de son intérêt passionné pour l'histoire de Fatima. Son ancien professeur, Stéphane Jezavki, se rappelle que Jean-Paul II, lors d'un petit déjeuner pris à Castel Gandolfo pendant sa convalescence, avait un visage triste, presque tragique, mais qu'il s'est animé lorsqu'il lui fit remarquer à son tour la coïncidence avec l'anniversaire de la première apparition de Fatima. Le Saint-Père prit alors le bras de Jezavki et lui dit « C'était le jour, l'heure et les minutes ». Il lui répète en lui serrant le bras avec insistance « Et les minutes ». Pour le pape, très vite, il n'y a aucun doute. La Vierge lui a sauvé la vie. Lorsqu'il reprend, après 5 mois d'interruption, la tradition des audiences générales du mercredi, il revient sur son aventure. Comment pourrais-je oublier que l'événement a eu lieu le jour et à l'heure où depuis plus de 60 ans, on commémore à Fatima, au Portugal, la première apparition de la Mère du Christ aux pauvres petits paysans. Car vraiment ce jour-là, j'ai ressenti dans tout ce qui est arrivé cette extraordinaire protection maternelle qui s'est montrée plus forte que le projectile de mort. À son ami Frossard, André Frossard, il résumera sa conviction d'une formule. Une main a tiré, une autre a dévié la balle. Enfin, je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Roumiana Garchinska, publié par les presses de la Renaissance, La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II.